B. À l'université. Activité 9. Dialogue 1. Excuse-moi, Eric. J'ai oublié la date de l'examen. Tu peux me rappeler la date, s'il te plaît? Bien sûr. C'est le mercredi 17. Ah oui! À 9h, c'est bien ça? Exactement. Dialogue 2. Dis, Sandrine, tu sais comment on va à la bibliothèque? La bibliothèque, elle est au bâtiment C, au premier étage. D'accord. Et à quelle heure est-ce qu'elle ouvre? Elle ouvre à 9h30 tous les jours. Dialogue 3. Astrid, tu veux réviser l'examen de mercredi avec moi? D'accord. On peut se voir ce soir si tu veux. Je suis libre à partir de 17h. Je ne suis pas disponible ce soir. Demain après-midi, ça te va? D'accord. Mais à 15h alors. Rendez-vous à la bibliothèque. Dialogue 4. Caroline, j'ai oublié mon livre chez mes parents. Vraiment? Ça tombe mal, nous avons notre examen dans 2 jours. Je sais. Est-ce que tu peux me prêter ton livre? Je voudrais faire des photocopies. Bien sûr. Allons les faire maintenant.